partout. Même si tu kiffes pas, tu t'y feras. Nouvelle cartouche, papa Darkolou, petit phare. Petit phare. Je restais vrai si tu doutais de moi. Quoi hein? J'ai pris des coups de règle sur les bouts des doigts. Mais c'est les rats. Ah ouais. Mauvais élève. Et vas-y, j'fonce ma caille. T'as reconnu la voix du fond de la classe. On est trop chaud, on t'sort un flow qui ferait même fondre la glace. Ouais, sur mes sons, j'm'attarde. Nique le buzz, j'ai un mental de spartiate. J'suis pas le fils de Zeus. C'est les rats, on bouge la tête comme des fêlés drapes. Laissez des scraps. Pendant ce temps-là, j'me fais péter le crâne. Et quand mon stylo gratte, il joue les philosophes. Ici, c'est Weed Collal, j'ai jamais vu philosophe. Remballe tes clips YouTube si t'as faussé les dièses. On a le profil foutu comme des mauvais élèves. Je prépare le lance-pierre, gros là j'ai visé la pro. Pas besoin d'être universitaire, ouais pour kicker la pro. À base de grossesse, grossier. C'est pas pour nettoyer mon parcours scolaire que je le brossais. On bâtit pas le futur en cours de maçonnerie. Mais bon, ça m'aurait évité de faire un tas de conneries. Laissez passer les rats, c'est pour mes scélérats. On sent pas les coups de percée, c'est pas le succès qu'on célébra. Nique leur game, les trois quarts c'est les draps. Ça m'a du soutien, mais t'achètes pas, non c'est des draps. Laissez passer les rats, c'est pour mes scélérats. On sent pas les coups de percée, c'est pas le succès qu'on célébra. Nique leur game, les trois quarts c'est les draps. Ça m'a du soutien, mais t'achètes pas, non c'est des draps. J'gratte des cesses depuis les bords de la classe. J'fais bord de la part, j'm'en prends que ça part. Je prends ta place, aïe. J'étais le genre de mec qui allait avec de l'alcool au cou. La vie est moche, j'ai vu tes potes finir la corde au cou. J'reste cool mais j'glande, j'fume de la couze étrange. J'étais qu'un môme dans la cour des grands. J'suis pas fait pour l'université. Casier judiciaire niqué, j'retranscris l'université. Je n'ai inconscient, j'étudie pas, j'sèche les coups. Au lieu de mettre des coups, faudrait qu'on serre les coups. Encore à 16 écoutes, j'contrôle pas cette putain de colère. Ouais, j'vois rouge comme mon putain scolaire. La route est longue, mais j'suis toujours en bon état. Élément perturbateur, ouais, j'porte le bonnet d'âne. J'ai jamais vu mon père aux réunions parents prof. Faut des thunes, ouais, mais j'les ai pas en poche. Laissez passer les rats, c'est pour mes scélérats. On sent pas les coups de percée, c'est pas le succès qu'on célébra. Nique leur game, les trois quarts c'est les draps. Ça m'a du soutien, mais t'achètes pas, non c'est des draps. Laissez passer les rats, c'est pour mes scélérats. On sent pas les coups de percée, c'est pas le succès qu'on célébra. Nique leur game, les trois quarts c'est les draps. Ça m'a du soutien, mais t'achètes pas, non c'est des draps. Chez un quatre pieds, monsieur. Taisez-vous. Silence, s'il vous plaît. Ça suffit. Mais t'es fou, quoi. Stop. Mais t'as rien à m'en prendre. T'es pas mon daron. Ils sont incontrôlables. Nique sa mère, les profs. Ah ouais, mon bino. Ouais, c'est l'élève qui dépasse le maître. Que des mauvais élèves.